Le mardi 4 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. Il y a eu moins de décès sur les routes du Québec en 2016. La Société de l'assurance automobile du Québec a présenté en avant-midi le bilan routier de la dernière année. Il s'avère que c'est le deuxième meilleur des 70 dernières années. Le nombre de décès a chuté de 10 % sur un an pour s'établir à 351 en 2016. Le bilan s'est également amélioré chez les jeunes. La SAAC se dit néanmoins préoccupée par une hausse considérable de 40 % du nombre de décès chez les piétons. Il sera bientôt possible de prendre rendez-vous avec un médecin de famille sur Internet. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a dévoilé un nouveau service gratuit qui prendra la forme d'un site web. Les usagers pourront en tout temps consulter la plateforme et demander un rendez-vous. Un projet pilote devrait être annoncé sous peu dans une région du Québec avant d'être étendu à l'ensemble de la population. Le ministre n'a cependant pas précisé d'échéancier pour le moment. Le film 1984, basé sur le roman de George Orwell, sera présenté ce soir à Québec dans le cadre d'un mouvement de protestation contre l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Le long-métrage sera présenté au Cercle Lab Vivant, qui joint ainsi un mouvement américain qui vise à faire part des inquiétudes pour la démocratie suite à l'élection du président républicain. La date du 4 avril n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle correspond au début de la rébellion dans le célèbre roman. Le film sera projeté simultanément dans plus de 160 salles aux États-Unis et 5 salles au Canada. Enfin, la rémunération des dirigeants de Bombardier rebondira cet après-midi à l'Assemblée nationale puisque le Parti québécois entend déposer une motion pour exiger le retrait des augmentations salariales de 50 % que les dirigeants doivent toucher en 2020. L'opposition officielle affirme qu'elle a l'appui de la Coalition Avenir Québec et de Québec solidaire. Le texte a cependant peu de chances d'être adopté puisque le premier ministre Philippe Couillard s'est déjà dit satisfait du compromis offert par Bombardier. Il a affirmé lundi que l'ingérence du gouvernement dans les affaires d'une entreprise privée serait un très mauvais message à envoyer aux investisseurs. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est de la pluie ou de la neige qui tombe selon les endroits dans la région de Québec. Cet après-midi, on attend une accumulation de neige de 5 cm sur le secteur nord. Les vents vont souffler à 30 km/h et rafales à 50 km/h. Ce soir, cette nuit, un autre 5 cm de neige. Il fera 0 degré. Demain, mercredi, c'est de la neige ou de la pluie, un maximum de 3 degrés. De la pluie jeudi également avec un maximum de 4 degrés. C'est une semaine qui définitivement est marqué par de nombreuses précipitations. Présentement à Québec, on a 3 degrés.